بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أنا أقرأ عليكم كلاما للإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله وهو كلام نفيس جدا كلام قوي خاصة في هذه الأيام أيام الفتن والغربة أن السلوي كي سكخشوا حق et qui veut suivre le haqq min zamanin qadim, depuis l'époque du prophète alayhi salatu salam, bal tous les prophètes alayhi salatu salam, ils étaient fi ghurba khassatan fi al-bidaya. Ce haqq que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a révélé, fala shakka wala raib anna kathir min al-nas, ils l'ont pas accepté, bal ils les ont combattus et ils ont mis en garde contre eux et ils se sont moqués. Lakin sahib al-haq la yubali biman yat'an wa biman yuhadhir wa biman yastahzi la yubali bihadha li'annahu il est ma al-haq. Fahadha al-kalam qu'on va lire, c'est un kalam tayyib, c'est un kalam jamil, c'est un kalam qui donne de l'espoir insha'Allah ta'ala à sahib al-haq. أنه يدزسبر جامع أبدا تنكيل مع الحق تنكيل مع السنة. وهذا الكلام on va le lire du كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. C'est un كتاب نافع جدا. Et il a cité parmi ses فوائد فصل كن مع الله ولا تبالي أي يا صاحب الحق يا أخي توكل sur la vérité. كن مع الله أي تنكت على الحق تنكت الكتاب والسنة avec toi تنكت des preuves sur un sujet quelconque فلا تبالي ne prête aucune attention à celui qui te contredit à celui qui te critique à celui qui se moque لأنك تمع الحق تمع الله سبحانه وتعالى كن مع الله ولا تبالي. فلا تبالي بمن خالف أبدا. Si c'est une personne qui accepte ce haqq, tu lui montres. Si c'est une personne qui veut la vérité, tu lui montres. Si c'est une personne qui a des doutes et qui veut vraiment savoir, tu lui montres. أما الطاعن الخداع الكذاب فهذا لا تبالي به. Il te fera aucun mal إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام il est مهم. On a dit خاصة في هذه الأيام بعد الإخوة ils sont في غربة لا يعلمها إلا الله. ربما أنت tu ressens pas هذا. On ne vit pas tous dans les mêmes circonstances. On ne vit pas tous dans les mêmes endroits. On n'a pas tous le même niveau de ilm. On n'a pas tous le même niveau de patience. وبعد الإخوة ils sont في غربة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق. Que ça soit par rapport à la da'wah, c'est fitan. Probablement, il se retrouve seul dans une ville, dans un pays, et il est combattu par Ahl al-Bida', par Ahl al-Fitan. Probablement, il est fi ghurba, fi Ahl, dans sa famille. Probablement, sa famille le combat, ils sont pas à la sunna. Ils comprennent pas sa position. Probablement, il est fi ghurba avec ses amis, ma'a asdiqa'ih. Probablement, ils comprennent pas certaines de ses positions. هذا الكلام كلام ابن القيم رحمه الله il donne de l'espoir à cette personne qui est في غربة. الغربة c'est comme un étranger. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. هذا الدين il a commencé غريب أي هذا الدين la personne qui s'accrochait à ce din au départ c'était comme un étranger. Le prophète عليه الصلاة والسلام au début il était seul. ثم خديجة رضي الله عنها l'a cru. ثم أبو بكر ثم علي ثم certains صحابة petit à petit. Au début, ils étaient في غربة شديدة. في غربة شديدة. حتى pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, كثير منهم ils se cachaient. كثير منهم ils ont été torturés. Ils ont dû faire la hijra, كما تعلمون. Ils étaient في غربة. Comme il a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, بدأ هذا الدين غريبا. Ça a commencé هذا الدين بالغربة. وسيعود غريبا. Et celui qui s'accrochera à ce dit, il s'accrochera au haq, il sera كذلك غريب. وسيعود هذا الدين غريبا. فطوبى للغرباء. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre la récompense. Aïe, akhi al-karim, accroche-toi. Ne désespère pas, patiente. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam قال فطوبى للغرباء. طوبى أي شجرة في الجنة. Aïe, celui qui patiente, بإذن الله. Azza wa Jal, il fait partie de Ahl al-Jinn. فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك القابض على دينه كالقابض على الجمر. أي celui qui s'accroche à son دين حقا, s'accroche à منهج الأنبياء, منهج السلف. هذا le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a comparé كالقابض على الجمر. C'est comme si tenait une braise. لأن الأمر il n'est pas سهل إلا pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité. Al-amr il n'est pas seul, la personne il est éprouvée. Fa al-qabid ala dine, kal-qabid ala al-jamr, ay ala al-jamra. C'est comme si tenait une braise. La bout yasbir. Khassatan, comme on va voir min kalam ibn al-qayyim, fi bidayat al-amr. Khassatan au début. Qala al-imam al-allama ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah. Kun ma'a Allah, wa la tubali. إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر. Il commence sa kalima par cette jumla mufida جدا. إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب, أي si dans une مسألة quelconque الله سبحانه وتعالى et son messager صلى الله عليه وسلم ils ont un قول, un حكم. Maintenant, telle chose c'est halal, ou telle chose c'est une bid'a, ou telle chose c'est du shirk, ou fulan, c'est un égaré. Les preuves du Coran et de la Sunna, ils montrent que fulan c'est un égaré. Ihdhar an takun fil janib al-akhar. Fais attention de ne pas contredire ses preuves. Fais attention de ne pas te retrouver dans un côté. Al-janib c'est le côté. Fais attention de ne pas contredire هذا الحق. قال ابن القيم فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة. Celui qui contredit أدلة الكتاب والسنة, qui contredit الحق, qui s'oppose à Allah et à son messager, قال ابن القيم فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة. قال وهذا أصلها, أي أصل المشاقة والمحادة, c'est que tu te retrouves dans un avis, alaykoum salam, dans une mas'ala, en opposition avec le Qur'an et la Sunna. C'est ça, al-muhadda. Qala azza wa jal, la tajidu qawman yu'minuna billah, wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasoola. C'est ça, al-muhadda. Un mu'min, il ne peut pas aimer un kafir. Limada? Lianna al-kafir, daiman il est en opposition à Allah et à son messager. Comment anta ayyuha al-mu'min tu vas l'aimer? Al-mushaqqa kadhalik. Qala azza wa jal wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiq ar-rasul. C'est ça al-mushaqqa. Ay ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ila nabi, ila qawl, ila hukm, une personne il le khalif. Il se retrouve en opposition. Fais attention, akhi, de ne pas faire partie de haoula. Lianna hunak hizbullah wa hizbu shaytan. Qala ibn al-qayyim rahimahullah wa minhu ishtiqaquha, ay al-muhadda wal-mushaqqa. Qala fa inna al-mushaqqa qala an yakun fi shaqqin wa man yukhalifuhu fi shaqq. Tu te retrouves dans un parti, dans un côté, et les adillah, al-haq, la parole d'Allah et la parole du prophète, ils sont dans un autre. Un, tu rentres en opposition. Et la personne, un, il est fait khatar. قال والمحادة أن تكون في حد وهو في حد كالكفار الكفار كما أخبر الله سبحانه وتعالى on a cité les versets أنهم ils sont toujours en opposition في التوحيد ils sont en opposition في الإيمان بالرسول ils sont en opposition ils croient pas في كثير من الأمور ils font partie de حزب الشيطان فالحذر أخي la personne il fait attention لهذا لأن في هذه الأزمنة des مسائل واضحة Tu lui montres l'adilla, ya akhi taqillah, ya fulan, taqillah. Et il pense que, en suivant fulan, en suivant la majorité, ou en repoussant le haq, il pense que c'est pas grave. Bel, rubbama il combat sahib al-haq. Wa bihada, il est concerné par la parole d'Ibn al-Qayyim. C'est pas simple, ya jama'a, de contredire le haq. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa la tastashil hada. فإن مبادئه تجر إلى غايته وقليله يدعو إلى كثير لا تستسهل هذا كما قال ابن القيم Ne pense pas que c'est une chose simple Tu rejettes الحق Ne pense pas que c'est une chose simple de combattre أهل الحق كما قال ابن القيم فإن مبادئه تجر إلى غايته Au départ, ça peut être une مسألة Pour toi, c'est quelque chose de très simple لكن tu خالف الحق une deuxième, Thomas une troisième, Thomas ton cœur il est aveuglé, t'acceptes plus le haq. T'acceptes plus. Wahada, la personne, celui qui n'accepte pas le haq, il est fait khatar. Ça peut aller très très loin. Liada qal ibn al-Qayyim, wa qaliluhu yad'u ila kathir. Liana, celui qui rejette le haq dans une mas'ala, dans deux, il pourra le rejeter dans trois, dans quatre mas'ala, dans cinq. Mais celui, au départ, il fait attention. Et il applique Nasihat al-Imam ibn al-Qayyim. Kun ma Allah wa la tubali. Toujours il fait des efforts. Annahu son avis, sa position, elle est toujours en concordance avec le kitab et le sunna. Kun ma Allah wa la tubali. Wa la yubali. La shakka anna ba'd an-nas, ils ne seront pas d'accord. La shakka anna ba'd an-nas, ils te combattront. La shakka anna ba'd an-nas, ils essaieront de mettre des doutes. Lakin, si tu es à la haqq, et tu es sûr de toi, tu es à la ilm, la tubal. Celui que tu peux aider, lui montrer, montre-lui. Celui qu'il ne faut pas écouter, tu n'es pas le premier à qui on veut faire des problèmes. Ar-Rusul, leur peuple les ont combattus, plus que toi. Tu n'es pas le premier qu'on va accuser de menteur. Ar-Rusul, ils ont été accusés de menteur. La tubal. La tubal. Satisfaire tout le monde, rayatun la tudrak. Si tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi, tout le monde t'aime, هذا لا أبدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il répète رحمه الله. كن في الجانب الذي فيه الله ورسوله. Essaye toujours en ta. Tu fais des efforts et ton but c'est ta position dans toutes les masaïl de din. C'est que tu sois avec Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Aïe, tu suis le haq. Tu suis les preuves. Où qu'elles soient ces preuves. Qala azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Wa qala azza wa jal, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Wa attaqu Allah. Daiman anta taplik si adilla. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Lakin i'lam أن يدز obstacles، يدز choses، لأن الكلام في الحقيقة، il est simple. Toutes les personnes qui prétendent suivre la Sunna, ils ont ce discours. Tu trouveras jamais une personne qui prétend suivre la Sunna, il te dit suis pas Allah et suis pas son messager. Abdel. لكن العمل c'est autre chose. في الحقيقة الكلام il est très simple. لكن في أيام الفتن quand la personne il se retrouve seul. Quand il est combattu, quand il est combattu dans son honneur, dans son argent, ben c'est plus la même chose. Sauf celui qui patiente. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilite. Ben la personne il demande At-tawfiq wa sadad min Allah Azza wa Jal. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah wa in kana an-nas kulluhum fil janib al-akhar. Al-An Ibn al-Qayyim rahimahullah il t'a montré al-manhaj al-mustaqim et il te montre qu'il y a un obstacle. C'est les gens, les personnes. Fa an أنت كما قال ابن القيم كن في جانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر même si tu te retrouves dans un endroit où tout le monde te خالف tout le monde الناس كلهم ils sont في الجانب الآخر ils sont de l'autre côté أي ils suivent pas les preuves ils suivent pas le kitab ils suivent pas le sunnah فلا تبالي وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر هذا سان إكزوم ابن القيم الذي هو إن كان وفي الحقيقة toujours tu trouveras des partisans de la vérité كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين toujours ربما dans ta ville dans ton pays ils sont peu ou il y en a pas لكن dans une autre ville dans un autre pays ils sont présents وفي الحقيقة t'es pas seul t'as toujours des frères avec toi qui sont على الحق même s'ils sont loin de toi وأنت كما قال ابن القيم كن مع الله ولا تبالي même si on قدر tu te retrouves seul vraiment tu trouves personne qui t'assiste qui t'aide فأنت si tu penses à هذا الكلام qui est fondé sur des preuves t'as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi Allah qui a créé toutes ces personnes qui te font du mal qui te combattent le créateur il est avec toi وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا si t'as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi pas besoin de fulana ou allah. قال ابن القيم رحمه الله فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. Ça c'est le fruit de la patience. Celui qui patiente على هذا الحق celui qui patiente كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر c'est comme si il s'accroche à une braise et il patiente Ibn al-Qayyim il montre فَإِنَّ لِذَلِكَ عَوَاقِبِ هِيَ أَحْمَدَ الْعَوَاقِبُ وَأَفْضَلُهَا à la fin il sera très satisfait la récompense le jannah لأن الجنه كما تعلمون celui qui veut le jannah le chemin il y a des épreuves à bout de la personne il patiente celui qui patiente à l'arrivée eh bien إِذْنِ اللَّهِ il trouvera une récompense عظيمة وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته بل تغالف خوي حتى في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى سلويك جد لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن si tu patientes اعلم أن t'es avec الله سبحانه وتعالى et الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut في الدنيا تغالف خوي tu verras qu'au début tu vas être combattu au début on va peut-être se moquer de toi Au début, on mettra en garde au début, et à la fin, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui changent. قال ابن القيم رحمه الله وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخر. الآن il te remontre أن la plupart des gens أكثر الخلق ils sont de l'autre côté. أي ils combattent les preuves de l'Kitab et Sunna. أكثر الناس. الله سبحانه وتعالى في القرآن il a démontré أن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس c'est des كفار. أكثر الناس ils ont combattu le Rasul. أنت أولا ne pense pas jamais أنك si tu suis le حق et tu veux suivre le Rasul ou l'Anbiya ne pense pas que tu auras du monde avec toi ou la plupart des gens ils seront à l'Haq là أولا أنت tu sais la plupart des gens ils combattent le حق enfin, tu te prépares أنت te prépares أن فلان il te critique فلان il se moquera comme ils se sont moqués des prophètes avant toi. قال ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة فهناك لا تكاد تجد أحدا الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. dans certaines circonstances, في الشدة الرغبة أو الرهبة comme il a dit, des circonstances de que ça soit de peur, de joie, dans des choses, ربما tu te retrouveras tout seul dans des مسائل. prends l'exemple مسائل مثلا في tout ce qui est rapport avec le janaïs tellement des personnes ils sont tristes il a perdu un proche ربما il fait des bid'ah ربما il khalaf al-haq dans certaines choses لكن tellement qu'il est touché par la perte de ce proche si tu lui dis ya akhi évite ça c'est une bid'ah t'as pas le droit de faire ça tellement qu'il est triste il t'écoute pas et il y a les sentiments son père il est mort il faut qu'il organise un repas sa mère elle est morte il faut qu'il aille voir fulan et allan et il contredit le sunnah ففي هذا الحال قليل ils sont très peu les gens qui s'accrochent au haq dans ce genre de situation لماذا لأن il y a les sentiments كذلك مثلا في الفرح les mariages tu trouves beaucoup de bid'ah ou de mukhalafat ربما tellement qu'ils sont dans une joie Il attend ça toute sa vie. Ce soir-là de son mariage, tu lui dis, « Akhi, taqillah, c'est une mukhalafa ce que tu fais. »« La yajouz, hada. » Il ferme les yeux et il accepte pas le haq. ففي هذا الحال بالرغبة أو الرهبة ربما la personne il se retrouve tout seul. Lakin isbir. Anta tu montres. Il faut bien que tu saches akhi el karim annaka t'es pas responsable des autres. Montre. قال الله قال الرسول. Celui qui te suit, alhamdulillah, celui qui te suit pas, ça te fait aucun mal. Abada. Amma ba'd el ikhwa ils font du mal, annahu il se met une responsabilité sur ses épaules que personne lui a donné. قال عز وجل لست عليهم بمسيطر. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les jugera. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. قال عز وجل ليس لك من الأمر شيء. Je ne possède rien, ni guidé ni égarement. Je montre. وعد الإخوة tellement qu'il se met une responsabilité sur les épaules et il veut guider, il aime la guider pour les gens. Si une personne elle n'écoute pas, ça le blesse, ça lui fait beaucoup de mal. Akhi, ne t'impose pas هذا. Ne t'impose pas. Montre celui qui suit, alhamdulillah, celui qui ne suit pas, ماذا ستفعل. Allah il a une hikmah que tu ne connais pas, anta. قال ابن القيم رحمه الله بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه وربما نسبه الى الجنون وذلك من موارث اعداء الرسل. صحيح. وربما ستود كروبونو حق تابلو حق وربما dans certaines situations tellement que les gens ils se sont éloignés de ce haq. بعض الناس ils sont بعيد جدا. فانت si tu viens les appeler à certaines choses, ils vont penser que t'es naqis al-aql. Ils vont penser que t'es pas bien. Rubbama t'as perdu la raison. Ou سيء الاختيار لنفسه. Ou rubbama comme يقولون, il sait pas ce qu'il fait. Et t'accuses هذه الامور. في الحقيقة ça blesse هذا جدا. لكن la personne يصبر. وربما نسبوه الى الجنون. Rubbama ils sont clairs, ils disent Koulan il est devenu fou. هذا ça arrive. بعض الناس في بداية الاستقامة. في بداية الاستقامة quand ils rentrent في الدين. أحيانا il y a un changement total. Il avait un mode de vie, sa famille il le connaissait, أنه il avait tel mode de vie. ثم du jour au lendemain بحمد الله عز وجل il s'accroche à la sunna. Il y a des choses radicales qui changent. في هذا الحال بعض الناس ils comprennent pas. ربما il l'accuse, il est devenu fou. في هذا الحال اصبر. Et montre-leur tout doucement. Et avec le temps, ils vont voir les fruits de l'istiqama sur toi, ils changeront. Mais idnillahi azza wa jalla. Akhir wa'd ikhwan fil haqiqa ils se précipitent. Ils veulent que tout change du jour au lendemain. Ils veulent que les gens ils le comprennent du jour au lendemain. Ils ne veulent pas des preuves. Ils croient que tariq al-jannah, c'est simple. Hakadha. Là, tout doucement, et pense à la fin, anta bi idnillahi azza wa jalla. Et patiente. Et tu sais que t'es pas le premier qui est prouvé, t'es pas le premier. Et هذا قال ابن القيم رحمه الله قال وذلك من موارث اعداء الرسل. Aïe, ce qui te font, akhil karim, ce que tu subis, en haqiqa, هؤلاء, ils ont suivi les ennemis des prophètes. Ils ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sahir, de majnoun. Anta, بعض الناس الان ils t'accusent de majnoun. En haqiqa, anta, si tu patientes, tu suis le Nabi alayhi salatu salam, t'es à la khayr, et eux, en te combattant, en combattant le haq, ils suivent les ennemis des prophètes alayhi salatu salam. Alayhi salatu salam. Il y a un hizb, hizb al-Rahman, un hizb al-Shaytan. Daiman, quelqu'un qui appellera haq, ou haq, et un parti qui combattra. Anta, si Allah est awaffaq, et t'es sur ce chemin, sirat al-mustaqim, hizb Allah azza wa jal, ihmadillah. T'es dans une ni'ma azima jiddan. Qala fa innahum nasabuhum ila al-junun lamma kanu fi shaqqin wa janib wa an-nas fi shaqqin wa janib akhar. C'est ça la base. Pourquoi ces gens daiman, une personne il peut se demander pourquoi toujours celui qui appelle le haq il est combattu. Limadha li anna celui qui appelle le haq il va mettre en garde contre des choses que ces gens ils aiment. Maintenant, à l'époque du prophète alayhi sallam, le prophète sallallahu alayhi sallam, il reçoit la révélation, son qawm, ils adorent des statues. Fahoua, alayhi sallam, il leur dit délaisser cette chose. Ben, il leur montre, c'est du kouf, c'est de l'égarement. Oh, ils sont accrochés à cette chose. Fa la tadhal anta, tout le monde va t'écouter directement. Va les combattre. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse ça? Et ça commence les problèmes. Lakin fi hadha al-hal, la personne est patiente. Et il montre. Et si Allah il leur veut du bien, il les guidera. Allah il a le hikma. Subhanahu wa ta'ala. لما كانوا في الشق وجانب والناس في الشق وجانب الان انت tu rentres dans ce manhaj, est-ce que tout le monde suit la sunna? Là, est-ce que tout le monde applique tawhid? Là, est-ce que tout le monde fait du bien? Là, là chacun t'a un. Si tu veux faire da'wa, tu veux appeler à ce din, il y a des personnes qui seront pas d'accord. Robama, une personne il a des millions dans son compte riba. C'est des intérêts, comme ils appellent. Aqiqa, c'est pas des intérêts. Abatan. Lakin, ils appellent ça hum hakada. Anta, tu lui dis ces millions, c'est haram. T'as pas le droit de les utiliser. Très peu celui qui va te dire jazakallahu khair. Abatan. Un, tu touches à ses poches, l'un. Al-an, anta, il faut que tu patientes. Tu montres. Comme Robama, il aura une réaction négative. Robama, il va t'insulter. Robama, il va se moquer. Lakin, anta, t'espère. Tu patientes, t'as fait ça, Lillah. T'as pas fait ça pour ton nefs. قال ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يقينا له لا ريب عنده فيه وإلى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه. هذا سمه. الآن تكبخي توسا تكبخي أن تدوي تغل الحق. Tu ne dois pas donner de l'attention à ceux qui te combattent. Abadan. Tu leur montres que ça te touche, tu faiblis. Abadan. Tu patientes. Tout ça, al-haqiqa, tu as besoin de deux choses qu'il a cité Ibn al-Qayyim. Awalan al-ilm. Et ça, c'est mohim. L'anna akhil karim, ça ne veut pas dire que tu es tout seul dans une chose, que tu es al-haq. Ba'dannas, il pense que s'il est tout seul et il est contredit par tout le monde, il a forcément le haq. Là, Robama, le haq, il est avec les autres. Et toi, tu es dans un égarement seul. C'est quoi qui va te permettre de savoir est-ce que tu es à la haq ou là? C'est l'ilm. La bout de la personne, il est à la ilm. Celui qui veut emprunter ce chemin, s'il n'est pas à la ilm, il se fera du mal. Robama, il va appeler les gens à en mettre en garde contre une chose et il se trompe. Enfin, les gens, ils accepteront pas cette erreur. Ils te feront plus confiance. La bout anta. Tu fondes ce manhaj. Le manhaj de l'anbiya wa rasul, il est fondé sur l'ilm. T'appelles à une chose, c'est bi'ilm. T'appelles pas à une chose que t'aimes toi. Ou tu mets en garde contre une chose que tu détestes toi. Ou tu veux que tout le monde te suive toi parce que t'as un avis. Abadan. Al-mizan, c'est l'ilm. L'ilm, c'est qala Allah, qala rasul. Qala sahaba. Deuxième chose, bel, on précise que c'est un ilm, c'est un ilm rasikh. قال ابن القيم فإنه يحتاج إلى علم راسخ. تأمل استكلمة علم راسخ. ابن القيم لا بدي علم فقط. لا لأن العلم يا دوكري. بعض الناس ils ont un peu de علم. بعض الناس ils ont du علم لكن c'est pas fondé sur des règles. بعض الناس c'est pas fondé sur le حفظ. ربما il se rappelle, il lui faut un livre, il lui faut. هذا c'est علم راسخ. علم راسخ. علم مبني على حفظ. إن مسألة يبان بإذن الله لا الدليل. بعد الإخوة ربما يفعل النصيحة يبال تلو دمان للدليل ما يدري يا أخي تبا تجور للليبغ avec toi تبا تجور un savant auprès de toi تبا تجور contacter une personne de science si tu parles tu dois être على علم العلم c'est قال الله قال الرسول c'est pas on m'a dit j'ai entendu on verra c'est pas du علم هذا هذا tu te feras du mal plus qu'autre chose. فالعلم هذا il doit être rassur. Ça montre l'importance de talab al-ilm. Allez, là, on se conseille à nous et aux frères de faire des efforts pour l'ilm. Il y a une chose qui précède la da'wa, c'est l'ilm. Fa'alam, annahu la ilaha illallah. La personne, il donne l'importance à sa ilm. Et si tu donnes l'importance à sa ilm, et bien, idnallah, ton manhaj, il est basé sur l'ilm, tu verras que toutes les choses qui viennent après, c'est très simple. Que ce soit da'wa, que ce soit la patience, que ce soit beaucoup de choses, si tu es à la ilm, bien, idnallah, les portes, elles s'ouvriront. Si tu n'es pas à la ilm, ça sera le contraire. Tu te feras beaucoup de mal. Robama, une petite mas'ala. Si un savant, il prend en main cette chose, bi'idnillah azza wa jal, très simple. Il répond, il patiente. Toi, cette petite mas'ala, qui est très simple pour le savant, en rubama, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Là, il n'y a pas d'ilm. Il n'y a pas de secret, ya jama'a. Le wahi, c'est fini. Il n'y a plus de révélation. Le prophète, il est mort, alayhi sallam. C'est l'ilm. Innama l'ilm bit ta'allum. La personne, il fait des efforts. Deuxième chose, qala ibn al-qayyim rahimahullah, wa ila sabrin tammin ala mu'adat man adah. Le ilm seul, ça ne suffit pas. Kam min al-nas, ils ont du ilm, lakin ils n'ont pas de sabr, ils ne patientent pas. Une épreuve, rubbama, il délaisse. Une épreuve, rubbama, il tourne le dos. Rubbama, il se retrouve en minorité dans une mas'ala, une fitna. Les gens, ils les combattent. Pas beaucoup de sabr. Voilà où ils connaissent. Wallahi, ba'd al-nas, que ce soit dans des fitan, fit da'wa, ou autre, wallahi, il connaît le haqq. Bel, il a, rubbama, il a défendu ce haqq. Lakin, il se retrouve dans une situation. Rubbama, il le combat financièrement. Il combat sa famille, son honneur. Il ne patiente pas, il délaisse, il tourne le dos. Non, il sait très bien au fond de lui le haqq. Lakin, il lui manque al-sabr. Al-sabr, c'est muhim jiddan. Tu patientes. Et ce qui t'aidera à patienter, c'est de connaître ta aqida. Al-haqiqa, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Ces personnes qui te combattent. Sauf une chose que Allah il taqaddam. Qu'est-ce qu'ils vont t'enlever? Qu'est-ce qu'ils vont t'enlever? Ils vont rien t'enlever. Sauf une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il taqaddam. Enfin, si ta aqida elle est fondée sur l'ilm, tu sais que c'est Allah qui donne, tu sais que c'est Allah qui prend, tu sais que c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. T'as cette aqida, kadhalik al-qadr, ça aide beaucoup. Tu sais que tout est écrit. Mais idnallah azza wa jal, ça va t'aider à patienter. Une personne, pas beaucoup d'ilm, il ne connaît pas bien sa aqida, automatiquement il n'aura pas beaucoup de sabr. Il ne fera pas long feu. Une fitna, elle. Wallahi, on connaissait Wahed. On connaissait Wahed, il était là. Il était avec nous là. Il est sorti, il est retourné dans son pays d'origine. Et il s'en parle, ilm. Il a commencé à faire da'wah. Quand tu sors d'ici, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec toi. Khassatan dans les fitnes actuelles, ils combattent, ils ne savent pas trop, ils suivent leur passion, ils ne connaissent pas le sujet. En tant que da'i ilallah, chaque personne, tu dois la mettre à sa place. Al-ilm. Tu ne vas pas avoir le même comportement, une personne qui a des doutes et une personne qui combat. Il est rentré ma'aha'oula. Il voulait faire da'wah. Au début, toujours au début, la personne il est motivé. C'est comme le voyage. Au début, tu es motivé. Au début, tu es en forme, tu as de l'énergie. Lakin, n'oublie pas, ce voyage peut être très long. Si tu n'as pas ce ilm et ce sabr, la haqiqa, c'est tes bagages pour ce voyage. Kama anna fi dunya, si tu voyages, tu as besoin d'eau, tu as besoin d'une monture, tu as besoin de nourriture. Hatta tu tiens le voyage. Rubbama, ce voyage, c'est une semaine, un mois, un an. Enfin, au début, toujours tu es en forme. Au début, tu as de l'énergie. Lakin, avec le temps, si tu n'as pas les provisions qu'il faut, rubbama, le voyage, tu n'arrives pas à arriver au but. Hakada al-ilm wa da'wa. Au départ, elle était motivée d'une. Fulan, c'est un hizbi. Fulan, c'est un mulharif. Celui qui ne dit pas que Fulan, c'est un hizbi, c'est un gada. Fulan, c'est un sunni. Une semaine, deux semaines, un mois, ils ont dit à Fulan, imma tu te tais, imma les 1000 euros qu'on va te donner pour faire les doros, s'il n'y a plus. Il a commencé à fondre. Comment je vais faire? Il manque de ilm et il manque de sabr. Le problème, c'est qu'il s'est accroché à Haoula. Il pense que c'est Haoula qui vont lui donner, qui vont lui enlever. Hatta Wahed Marra, il lui a parlé, il lui a dit, bon, on va être clair avec toi. Nous, on veut profiter de ta science. Et là, c'est un talib ilm. Il connaît le Coran, il peut leur donner des choses. Ils lui ont dit, walakin, on va te mettre une limite. Tu ne dois pas la dépasser. Chouf, talib ilm, dès qu'il n'est pas à l'intabad. Al-An, il est en train de se faire manipuler. C'est lui qui a du ilm, c'est eux qui lui mettent des conditions. Wajdakhlak, anta et tes conditions. Tu veux l'ilm, tafaddal. Tu veux pas d'ilm, abadan, tu me mets des conditions. Qui khalaf al-kitab wa sunnah. Kullu shartin laysa fi kitabillah. Fahuwa batil. Walau kana mi'at shart, qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toute condition qui est pas dans le Coran wa sunnah, elle est rejetée. Walau sans condition. Chauf lui, première condition, elle contredit le kitab wa sunnah, ils font et ils écoutent. Les ma'adha, ils pensent aux euros, aux dollars. Ils lui ont dit, si tu veux nous donner des doros, nous on veut de toi prendre des doros. Une chose, tu ne parles pas de l'adani ou voulan. Il a dit, on va réfléchir. Khalas, il a ouvert un bar. Qu'est-ce que tu vas réfléchir? Pourquoi pendant des années, tu dis, Foulan, c'est un Hizbi, tu connais le haq, et tu prétends secourir ce haq et combattre le batil, maintenant tu vas réfléchir? Et Shahada, pourquoi tu vas réfléchir? Non, normalement, tu dis, là, c'est un munharif. Je suis à la hada al-qawd. C'est ma conviction, c'est un égaré. Vous voulez accepter, je vous détaille les dalils. Tafaddalou, ça sera notre premier dars, inshallah ta'ala. Vous voulez pas, ardullahi wa asia, je suis pas responsable de vous, vous êtes pas responsable de moi. Ouais, il a dit, je vais réfléchir. Aïf al-Hakika, il va réfléchir aux euros. Est-ce que je vais réussir à dire non, Amla? Ils lui ont laissé un peu de temps, il a dit, khalas, on commence les doros. Inch'Allah, on rentre pas là-dedans. Quelques semaines après, Cheikh Yahya, c'est un égaré. Chauffe. Alors que c'est un de ses élèves. Il prétend appeler au haq, il prétend je vais aller dans ce pays et je vais faire et je vais faire. À la fin, Ya Rab, il ne critique pas. À la fin, Cheikh Yahya, ses élèves, c'est des égarés. C'est vrai, en fait, ils exagéraient en fait. Là, c'est toi qui as changé. La haqiqa, si tu vois maintenant l'histoire de ce frère, avant qu'il voyage, quand il était à Damaj, et après, est-ce que Damaj, Cheikh Yahya et ses élèves, ils ont changé? Eh ben, ça a toujours été les mêmes. Ils ont dit Foulan, c'est un Hizbi, et patient. C'est lui qui a changé. Thomas, il dit, c'est vrai, ils ont du rouleau. Nous, on dit, c'est vrai, t'es un égaré. C'est toi qui as changé. Ibn al-Qayyim rahimahullah wa la yatim lahu dhalik illa bi raghbatin qawiyyah billah wa dar al-akhirah bi hayta kun al-akhirah ahab ilayhi min ad-dunya ila an qala ukhtasara hatta unfini hadha al-kalam qala wa yakun Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ahab ilayhi mimma siwahuma ka'anna qa'il idamada Ibn al-Qayyim ya imam comment on fait pour avoir ce ilm, cette patience, donne-nous la solution. Ibn al-Qayyim yaqul awwalan لا يتم له ذلك تعرفها بقى أسلوب رسول الشماء إلا برغبة قوية في الله والدار والآخرة celui que son but c'est obéir à Allah, satisfaire Allah الجنة c'est ça son but فبإذن الله il s'en sortira لأن il sait où tout ce qu'il fait c'est pour Allah et que les gens ils lui obéissent ou ils lui obéissent pas, l'essentiel c'est qu'il atteint ce but. Cette personne il a du monde avec lui, du monde contre lui, il a ce but, il veut arriver ou alors tout seul, il y arrivera. Al-an, celui qui a pas hada, l'exemple qu'on a donné de ce frère, il a oublié hada. L'argent, ils ont réussi à le faire bouger avec de l'argent. Rubama, c'est une somme minime. Rubama, c'est une histoire de 100 euros, 200 euros. Attends, ils vont lui donner des millions. Et voilà aussi, lui donne des millions. Est-ce que tu vas vendre ton din? Tu vas vendre ton manhaj? Tu vas vendre ce haq que tu as pour ces millions? Rubama, demain tu meurs. Qu'est-ce qu'ils vont te faire ces millions? La personne, s'il a ce but, Allah subhanahu wa ta'ala, wa dar al-akhirah wa al-jannah, fa inshaAllah, très simplement, bi tawfiq Allah azza wa jal, il avancera. كذلك قال ويكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما celui qui a cette aqida ان الله سبحانه وتعالى son prophète il les aime plus que tout le monde فباذن الله si une mas'ala un قول qui خالف le قول de الله سبحانه وتعالى son prophète il suivra الله son prophète لان il les aime plus que tout والله بعض الناس ils font des مخالفات الا مثلا par amour pour son fils il n'a pas cette aqida. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس المعروف لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين الحديث إلا parce que ça c'est un niveau élevé vers l'iman. Si tu as ça بإذن الله toute chose qui contredit le Coran ou le Sunna tu la rejetteras. ربما son fils fait une mukhalafa ou lui-même il fait une mukhalafa pour son fils. لماذا لأن il a pas cet amour d'Allah et de son prophète plus que pour son fils. Des autres c'est pour leur femme, des autres c'est pour leur père, des autres c'est pour leur mère, des autres c'est pour l'amour de l'argent, des autres c'est pour l'amour de dunya. Amma celui qui a cet amour envers Allah et envers son prophète alayhi salam, bi'idnillah, il cherchera toujours à satisfaire Allah et à suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال وليس شيء اصعب على الانسان من ذلك في مبادئ الامر. هذا سمه. Sache que au départ c'est très très difficile هذا. Et tu te retrouves seul, en minorité, et les gens ils te combattent. Au départ, c'est dur. Sahih, t'es un être humain. Au départ, la personne, Rubama, une parole, elle le blesse. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas encore de maturité. C'est pour ça que tu trouves l'égarement chez les nouveaux de l'istiqama, Obama, il est akthar que des personnes qui ont étudié, qui patientent, ils ont de l'expérience. Il a l'habitude. Fitna, elle vient, il sait que ça passera. Wa'adannas, première fitna qu'il connaît, il croit que khalas, c'est la fin. Il ne sait pas que ça fait que se répéter. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'an, il y a des fitnes entre Ahl al-Haq et Ahl al-Batil. Lakin, le nouveau, il se fait beaucoup de mal, si patient. Kadhalik, tu prends maintenant le nouveau fil istiqama. Khassatan, si sa famille, elle ne suit pas sunnah. Au début, c'est très dur. Au début, il se fait beaucoup de mal. Lakin, avec la patience, Thomas, ça devient une chose normale. Fi bidayat al-amr, la personne est patiente. Akthar. قال فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل. كم de personnes qui te combattent. حقيقة celui que Allah subhanahu wa ta'ala y guide, c'est une rahma min Allah. أما كما قال ابن القيم, ton nefs, c'est la première à te combattre. Ton nefs, elle est en toi. C'est un ennemi. هي elle commence. Tes passions, kadhalik. Les passions qui sont dans le cœur, elles te combattent. Ta nature. La nature de la personne. Rubbama. Il y a des personnes qui sont entrées dans l'istiqama, ils trouvent des problèmes ajib pour arrêter de fumer. En tant que sunni, Rubbama, t'as jamais fumé. Rubbama, ça fait des personnes des années qu'ils ont arrêté, c'est une chose normale. Lui, au début, il a un dhiq, la ya'lamuhu illallah. Son cœur, son neuf, ça le combat. Probablement pour se faire du mal. Un tata ammel, il va peut-être acheter cette chose, c'est écrit en gros dessus, fumez-tu. Lakin, son neuf, elle l'appelle à Hada. Probablement, il va aller l'acheter. Il va payer pour se faire du mal. Quand le wahed, il se paye et il se brûle. Il prend du feu, il se brûle la main. Hada la cigarette, il brûle son cœur. Lakin, il l'achète. C'est quoi? C'est son neuf qui le combat. C'est passion, le hawa. قال وطبعه وشيطانه كذلك ton شيطان comme il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun de nous il a un qarib, il a un شيطان دائما avec lui. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé un son شيطان, son qarib, il s'est converti بإذن الله عز وجل. Il le poussait combien? أنت لا, ton شيطان c'est un adou, il va te pousser comment? La bout de tes passions. Alors combien d'ennemis? Ton nefs, tes passions, ton tab, c'est ta nature, ton شيطان. Al-An, tu en as quatre déjà. Tu dois faire attention. Qal wa ikhwana. Rubbama, tes frères. Rubbama, tes amis, ils sont toujours avec toi. Ils t'appellent au champ. Wa mu'ashiri, les personnes que tu côtoies. Rubbama, ta femme, tes enfants, tes parents. Rubbama, ils te combattent. Ils combattent ton dîn. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas guidés. Qal min dhalika al-janib yad'unahu ila al-ajil. Tout cela, ils te combattent et ils t'appellent al-ajil. Al-ajil, c'est quoi? C'est... Comme les kuffars, ils éduquent les gens, la culture de tout avoir tout de suite. Pardonnez, s'ils ne comprennent pas, tu dois patienter toute ta vie pour le Jannah. Prends l'exemple du travail. Anta, tu lui dis maintenant, là, ce travail, je vais arrêter, il y a de la mixité. Je ne peux pas faire ma salat. Sunnah. C'est ça, tariqat l'anbiya. Comment je vais travailler et je vais délaisser à salat? Et je vais travailler avec des femmes mixitées. Ah, peut-être, ça contredit mon thème. Enfin, Inch'Allah, je vais faire des efforts, je vais trouver un autre travail. Tous ces ennemis, ton nefs, ta hawa, ta nature, ton shaitan, Rubbama, tes frères, tes amis, tes parents, ta femme, Rubbama, ils vont te dire, mais il faut que tu travailles, patiente. Ils veulent l'ajil, ils voient la fin du mois. Badnasi, Hakada, ils ont été élevés, ils voient que la fin du mois, le salaire. Antala, tu vois la fin de ta vie, tu vois le Jannah. La personne est patiente, ya jama'a. Est patiente. On vit dans un zaman, dans une époque, anna akthar an-nas, comme il a démontré Ibn al-Qayyim, ils ne sont pas à la ta'a. Ils ne comprennent pas certaines choses. Tu es obligé un tas de patienter et chaque personne, tu te comportes par rapport à sa situation. Tout doucement, berif, la hikmah, t'apprends ton din et beaucoup de dua. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, يدعونه إلى العاجل فإذا خالفهم تصدوا لحربه. هذا واضح. Si tu les خالفs, si tu les خالفs, ils vont te combattre. لكن passion. أنت بإذن الله dans ce harb, dans cette guerre entre toi et eux, أنت t'es à la haq. بإذن الله t'es récompensé. Eux ils sont à la batin et ils sont à la khatar. أنت tu leur montres. Ça montre que la tariqa de sunnah, c'est pas un chemin où il y a des roses. c'est un chemin, il y a du ta'b. Lakin la récompense elle est azima. Ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Hakadha qala alayhi salatu wassalam. Qala fa in sabara wa thabata ja'ahu al-'awn min Allah. Tout ça l'an, c'est une épreuve فقط. Si tu patientes dès que tu es au milieu de cette épreuve, les frères ils te critiquent, tu es tout seul, Rubama tes parents, Rubama ta femme, tes enfants. Si tu patientes, sache que Allah il t'aidera. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui patiente, Allah subhanahu wa ta'ala, il craint Allah, Allah il lui donne une issue. Tu auras le dessus, bi'idnillah, li'anna al-haq, il est aqwa et il est a'zam. Al-haq il est plus fort que haoulan. Ce shaitan, ce nefs, cette famille, ses amis, le haq il est plus fort qu'eux. Faut patienter. Tu auras le dessus. Lakin patient. Une semaine, sa femme, ou ses parents, ou les frères qui côtoient, ils ne l'écoutent pas, ils désespèrent. Et akhi, patient. Patiente. Si tu es à la haq, patiente. Même s'ils sont, ils sont pas guidés, ils ne feront aucun mal. قال ابن القيم رحمه الله وصار ذلك الصعب سهلا الله سبحانه وتعالى سمي كيف اسكيبه cette difficulté que tu avais ça devient سهل إن مع العسر يسرا قال وذلك الألم لذة cette douleur que tu avais cette difficulté que tu avais ça devient elle a un goût elle a une saveur قال فإن الرب شكور ça العقيدة Ibn Qayyim al-An, rahimahullah, vous avez remarqué, il te cite des problèmes, il te cite la solution, Thomas, il lit tout ça avec l'aqidah. Tout ça, tu comprendras si tu sais qu'Allah c'est Shakur. Ash-Shakur, c'est min asma'illah. Ça vient de Shukr, la reconnaissance. Tu te fais du mal pour la religion d'Allah. T'essayes de secourir la religion d'Allah. Tu suis les prophètes. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va te laisser? Celui qui désespère, c'est qu'il a une mauvaise aqidah. Il pense qu'Allah il va le délaisser. Allah il est shakur. Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner plus que ce que tu as fait. Patiente, faqat. Qala fala bud an yudhiqahu laddat tahayyuzihi ila Allah wa ila Rasul wa ila Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa yurih karamata dhalik. La bud. Et donc Qayyim il a dit la bud que tu goûteras à cette saveur. Ce bien, t'as patienté et t'en fais du mal, Allah subhanahu wa ta'ala ne te délaissera jamais. Allah il est shakur. Ya jama'a, on doit donner de l'importance à ces asma et à ces sibab. Tout ton din, ta aqida, elle est fondée sur ma'rifatullah azza wa jalla. Si tu connais Allah, tu connais ses noms, ses attributs, fabi idnillah, chaque problème, t'es tout seul, tu sais qu'Allah ne te délaissera pas, il est shakur. Tu sais qu'Allah il est rafour, il est rahim, il est karim. Comment il va me délaisser? Comment il va me délaisser? Il va secourir ses ennemis. Allah il va te laisser alors que tu es un de ses alliés et il va secourir Shaitan et les alliés de Shaitan contre toi. Il t'éprouve. Est-ce que tu es sincère, Amla? Tu es sincère, tu es véridique, Amla? Tu es véridique, Allah il te secourt. Qala Ibn Qayyim rahimahullah. Wa yabqa man kana muhariban la'ala dhalik bayna ha'ibun lah. Ou bayna ha'ibun lah. Wa musalimin lah. ومساعد وتارك ويقوى جنده ويضعف جند العدو صحيح tu vas atteindre une étape si tu patientes en ces personnes qui te combattaient tu vas voir qu'ils vont changer au départ il y en a quand on a dit qu'au début tu as de l'énergie et après tu peux te fatiguer si tu n'as pas de la patience hakadal a'da tes ennemis c'est des êtres humains comme toi au début ils ont de l'énergie si tu patientes ils vont se fatiguer si tu baisses les bras ils vont prendre le dessus. Faut patienter. Anta, t'as ta aqida, t'as l'ilm, t'as l'haq. Lui, il a les passions, il a le batil, il est faible. Patiente, une semaine, deux semaines, t'as le dessus. Fahaoula al-an, qui te combattait, Ibn al-Qayyim, il te montre, tu vas voir que ils vont changer. Imma ha'ib, il va avoir peur. Mais l'haq, il est trop. L'haq, il est au-dessus de lui. Fait, tu vas voir qu'il va, il va faiblir. Et il va te respecter, jiddan, même s'il te déteste. Lana, il sait que t'es à la haq. Un autre cas, Moussalim, il va se soumettre. Rubama, c'est lui qui te combattait. Rubama, c'est lui qui va te demander. Il y a akhi, on avait parlé de cette mas'ala. C'était quoi ton avis? Et tu lui expliques. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, c'est ses serviteurs. Qal, wa musa'idin. Rubama, il y en a, ils vont commencer à t'aider. On dit sahih. En fait, on a vu comment il est, masha'Allah. Même si on n'est pas avec lui, il t'aide. Ça arrive beaucoup avec les parents. Hein. Rubama, il ils sont pas le même dîn que toi, le même manhaj que toi. Lakin ils voient ce dîn, comment il t'a changé, comment tu patientes, comment tu te comportes bien avec eux, même s'ils acceptent pas ta da'wa, parubama itad. T'as une difficulté, c'est les premiers à t'aider. Alors qu'au début, ils combattent. Qala wa tarik. Tu vas avoir un autre qisme, ils vont te délaisser. Ils vont te délaisser. C'est pas le même manhaj que toi. Ils ont essayé de t'égarer, ils n'ont pas réussi. Ils vont dire, celui-là, laissez-le. Ah, celui-là, on ne peut rien faire, laissez-le. Et ils te délaissent. Ils n'ont pas accepté ton haq, au moins, ils ne te combattent plus. Alhamdulillah, c'est une ni'ma qui te combattent plus. Hakaza, tu auras un de ces cas en face de toi. Rien d'autre. Bi'idnillah azza wa jalla. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, wa la tastas'ib mukhalafat al-nas. والتحيز إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت وحدك. Il conclut بهذا. Si tu as compris tout ce qu'il a cité الآن, لا تستصعب مخالفة الناس. Ne te mets pas dans ta tête. Non, il n'y a pas que moi qui est sur le haq, je ne peux pas khalif tout le monde. Abdel. Si tu es sur le haq, reste sur ce haq, ولو tout le monde te combat. لا تستصعب ذلك. Ne pense pas que c'est une chose de qui sont pas c'est pas tes moyens, c'est pas à ta portée. Ah, ben, si le haq il est clair, t'es à la ilm, t'es sûr, bah, prends ce haq ou voilà aussi t'es tout seul. Shaitan il te rentre pas mina d'albab, mais il n'y a que toi qui as le haq. Tous ces savants, tous ces étudiants, tous ceux-là, ils connaissent pas, il n'y a que toi. Il n'y a pas que toi avec le haqiqa. Haqiqa, tu auras toujours un savant, deux savants, ils sont sur ce haq et ils te le montrent. Bah, accroche-toi. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عضوا عليها بالنواجد اي اكروشيفو ا سو حق ا سيت سنة بالنواجد النواجد سي الادراس سي لي دون لي بلو سوليد لي مولا اكروش توا ولا تبالي بمن خالف قال فان الله معك وانت بعينه وكلاءته وحفظه لك وانما امتحن او امتحن يقينك وصبرك C'est ça la conclusion. Toi, tu es avec Allah. Fa inna Allah ma'ak. Comme a dit le Nabi sallam, ittaqillah haythuma kunt. Ittaqillah haythuma kunt. Allah, il est avec toi. Wa anta bi 'ayni wa qira'ati wa hifdhihi lak. Allah, c'est lui qui te préserve, c'est lui qui te guide. Fa désespère pas. Thumma qala wa inna man tahana yaqinak wa sabrak. Tout ce qui t'est arrivé, toute cette fitna, tous ces problèmes, tout ce bête, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien, c'est lui qui t'a créé, c'est ta al-haq, lakin il t'éprouve. Est-ce que tu es sincère, Amla? Une fois que tu patient, cette fitna elle est passée maintenant, la vague elle est passée, demain, les choses ça devient normal. Tu es al-haq, et bien, idnillah, c'est toi qui as le dessus. قال ابن القيم وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع. Deux solutions, il te redonne. Si tu veux réussir à rester accroché sur le haq et suivre sunna, voilà aussi les autres, la khalif, tu dois t'écarter de deux choses. Au début de la kalima, il nous a donné deux solutions. Al-ilm wa sabr. Ça, c'est deux ingrédients là-bas, si tu veux réussir. Kadalik, tu dois t'écarter de deux choses. At-tam wa al-faza. At-tam, c'est l'amour de dunya. La personne, il veut al-mal, il est matérialiste, c'est ça tam. Et il espère toujours. On a donné l'exemple du frère. Ils l'ont eu, mais là, enfin, ils lui ont donné de l'argent, ils ont réussi à le faire. Anta, écarte-toi de had. Léana, tu vas tomber sur des personnes, rubbama, ils vont te faire croire, ils vont te donner, tu t'égares. La deuxième chose, al-faza. Al-faza, c'est shiddat al-khawf. Rubbama, maintenant, ils te disent, t'es tout seul. Tout le monde te contredit. Il y a une peur qui rentre dans son cœur. Il délaisse le haq. On donne deux exemples pour conclure. At-tam' prend l'exemple de l'jam'iyyat. Prends l'exemple de l'jam'iyyat, al-hijbiyyat. Combien de frères elles ont égaré ces jam'iyyat? Limadha? Li'anna y'a un tam' fil mal. Ce sahib jam'iyyat, matalan, ils ont fondé une association. Ils ont récolté des millions. Anta, tu viens, du jour au lendemain, t'es un sunni. Tu lui dis, ces jam'iyyat, il y a des photos. Il y a du sectarisme, la hizbiyya. Celui qui est d'accord avec vous, vous l'acceptez. Celui qui est contre, même s'il a de dalil, vous le rejetez. Par Obama, il y a des élections. L'argent, ces millions, ils vont être dans une banque avec des intérêts. Par Obama, c'est une ressemblance au Koufa. Tu viens et tu lui dis tout ça. Tu lui fais, en fait, cette jam'iyya, il faut la délaisser avec tous ces millions. Il a un tam. Il va te dire, ya khilaf. Cheikh Foulan, il a dit. Nakmil, donc, comme a dit Ibn Qayyim, وأعظم الأعوان وأعظم الأعوان أي les choses qui vont t'aider pour appliquer هذا المنهج النبوي بعد عون الله ça montre qu'on revient à Allah عز وجل. Tout ce qu'on a cité, كثير من الأمور c'est des أسباب. patiente, tu fais des efforts, ça c'est des causes. Al-aoun il est min Allah. Enfin, la personne il revient à Allah. Kadhalik at-tajarrud min at-tam' ou al-faza'. At-tam', on a donné l'exemple des jamiyyah. At-tam', c'est l'attirance par dunya. La personne il espère avoir des résultats, des profits fi dunya. Ça pour le sunni, pour le da'i il Allah, ça lui fait beaucoup de mal. Ta'lamoun, on a beaucoup de choses l'un de dunya, ça contredit Dieu. Si tu as cette attirance par dunya, at-tam', t'espère, rubbama des personnes qui te veulent du mal, ils te proposent cette part de dunya, ce profit, pour que tu délaisses une partie de ton din. On a donné l'exemple de l'jam'iyya. Ça a divisé les frères. Au pire des cas, le moins qu'on puisse dire plutôt, c'est une shubha. On a un doute. Écarte-toi des doutes. Da'ma yaribouk ila ma la yaribouk. Et préserve ton din. Mais à tout ça, là, Cheikh Foulan, il a dit, ils se font du mal. Ils les arrosent bil mal. Layl nahar. Hatta, il ne peut plus parler à la fin. S'il les contredit, il contredit Jam'iyya, il lui retire l'argent, ils font comme une bougie. Kadhalik al-faza'a. Écarte-toi d'ailleurs. Wa'ad al-nas matalan, il y a une fitna. Il est à la haqq. Du jour au lendemain, ils viennent et lui disent, on a été voir Cheikh Foulan. Cheikh Foulan, Cheikh Foulan. Il te contredit. Ils font kadhalik. Et akhi, si tu es à la haqq, normalement, ça ne doit pas te faire bouger. Cheikh Foulan, peut-être qu'il a une excuse, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être ils lui ont menti. Et le haqqata, l'imada, tu le délaisses. Si c'est fondé sur le kitab ou le sunnah, tu n'as pas à le délaisser. Qal ibn al-Qayyim rahimahullah, famata tajaratta minhuma hana alayk at-tahayyuz ila Allah wa Rasul. Si tu t'écartes de ces deux maladies, at-tam' ou al-faza', bi idhnillah, ça sera très simple pour toi de suivre al-kitab ou le sunnah. Qal wa kunta da'iman fil janib alladhi fihi Allah wa Rasuluhu wa mata qama bika at-tam' wa al-faza', fala tatma' fi hadha al-amr wa la tuhaddith nafsaka bih. La personne qui a cette maladie, at-tam', il est attiré par dunya, il espère dunya. Kadhalik al-faza', une petite chose, elle lui fait peur. Hadha kama qala ibn al-Qayyim, la tuhaddith nafsaka. Ne parle même pas à ton nafs que tu veux t'accrocher au haqq. Ça n'arrivera pas, illa yasha Allah. Si j'ai ces maladies, si tu as ces maladies, akhi, fais du'a, fais des efforts, écarte-toi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide. فَإِنْ قُلْتَ فَبِأَيْ شَيْءِ أَسْتَعِينَ عَلَى التَّجَرُّدْ مِنَ الطَّمْعُ وَالْفَزَعُ. Personne ne peut demander, comment je fais pour enlever ça, comme on a dit. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَ اللَّهُ قُلْتُ بِالتَّوْحِيدُ وَالتَّوَكُّلُ وَالثِّقَ بِاللَّهُ. On revient toujours au tawhid, l'aqida. Cette personne qui t'a proposé un profit de dunya, il ne peut pas te le donner sauf si Allah veut. Si Allah ne veut pas, tu ne l'auras pas. Ou là aussi, il t'a promis. Cette personne qui essaie de te faire peur, Foulan il a dit, Foulan il n'a pas dit, il pourra te faire du mal que si Allah veut. Si tu as le tawhid, le tawakkul, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui guide, qui égare. Tu places ta confiance en Allah, mais la personne est à la khair. Tout ce qu'il a cité, Ibn al-Qayyim, le tawhid, le tawakkul, le thiqa billah, tout ça, c'est ça l'aqida sahiha. Tout ce qu'on a dit, c'est fondé sur le mu'taqad sahiha. On conseille les frères les efforts fait l'aqida. L'aqida, est en train d'armer ce cœur. C'est ça les vraies armes. C'est ton cœur, il est à la thabat. Et bien, idnillah, personne ne te fera aucun mal. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Qala wa ilmika bi annahu la ya'ti bil hasanat illa hu, wa la yadhhab bis sayiat illa hu, wa anna al amr kulluhu lillah, laysa li ahadin ma'a Allah shay. Intaha kalam. Tu sais, maintenant, celui qui donne les hasanat, c'est Allah. Celui qui pardonne les sayiat, c'est Allah. Tout ce qui se passe fi hadha al-kawn, c'est bi yadillah azza wa jalla. Lahu al-amr wal khalq subhanahu wa ta'ala. Al-an, limada t'aurais peur des gens? Limada t'espères des profits de certaines personnes? Al-amr il est biyadillah. Fa kun ma'allah wa la tubali. Allah il te donnera dunya, il te donnera l'akhira, et bi idnillah tu seras ma'a man ahbabta yawm al-qiyama. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyama. Hada, wa nasa Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat lil jami'a. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك